Sainte Bible selon saint Jérôme, premier livre des Rois, chapitre 13. Et voilà qu'un homme de Dieu vint avec les paroles du Seigneur de Juda à Bethel, Jéroboam étant près de l'autel et jetant de l'encens. Et il s'écria contre l'autel avec les paroles du Seigneur, et dit: Autel, autel, le Seigneur dit ceci: Voici qu'un fils naîtra dans la maison de David, du nom de Josias. Et il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui maintenant brûlant sur toi de l'encens, et il brûlera sur toi des os d'hommes. Et il donna en ce jour-là ce signe, disant: Ceci sera le signe que le Seigneur a parlé, voici que l'autel sera brisé, et que sera répandue la cendre qui est sur lui. Or, lorsque le roi eut entendu la parole que l'homme de Dieu avait dite en criant contre l'autel à Bethel, il étendit sa main de dessus l'autel, disant: Saisissez-le. Et sa main qu'il avait étendue contre le prophète se sécha, et il ne put pas la retirer à lui. L'autel aussi se brisa, et la cendre se répandit de l'autel, selon le signe que l'homme de Dieu avait prédit avec les paroles du Seigneur. Alors le roi dit à l'homme de Dieu: Implore la face du Seigneur ton Dieu et prie pour moi, afin que ma main me soit rendue. Et l'homme de Dieu pria la face du Seigneur, et la main du roi revint à lui, et elle devint comme elle était auparavant. Or le roi dit à l'homme de Dieu: Viens avec moi, en ma maison, pour dîner, et je te donnerai des présents. Et l'homme de Dieu répondit au roi: Quand vous me donneriez la moitié de votre maison, je n'irai point avec vous, et je ne mangerai point de pain, ni ne boirai point d'eau en ce lieu. Car c'est ainsi qu'il m'a été commandé avec les paroles du Seigneur, qui m'a donné cet ordre: Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne retourneras point par la voie par laquelle tu es venu. Il s'en alla donc par une autre voie, et il ne retourna pas par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or un certain vieux prophète habitait à Bethel, et ses fils vinrent vers lui, et lui racontèrent toutes les œuvres qu'avait faites l'homme de Dieu ce jour-là à Bethel, et les paroles qu'il avait dites au roi, et ils les racontèrent à leur père. Et leur père leur dit: Par quelle voie s'en est-il allé? Ses fils lui montrèrent la voie par laquelle s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: Préparez-moi l'âne. Et lorsque ceux-ci l'eurent préparé, il monta dessus. Et il s'en alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous le térébinthe. Et il lui dit: Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Celui-ci répondit: Je le suis. Viens, dit-il, avec moi en ma maison pour manger du pain. L'homme de Dieu lui répondit: Je ne puis retourner ni aller avec toi, et je ne mangerai point de pain et ne boirai point d'eau en ce lieu. Parce que le Seigneur m'a parlé avec les paroles du Seigneur, disant: Tu ne mangeras point de pain et ne boiras point d'eau là, et tu ne retourneras point par la voie par laquelle tu seras allé. Cet homme lui répondit: Moi aussi je suis prophète, semblable à toi, et un ange m'a parlé avec les paroles du Seigneur, disant: Ramène-le avec toi en ta maison, afin qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il le trompa, et le ramena avec lui. Il mangea donc du pain en sa maison, et il but de l'eau. Et lorsqu'ils étaient assis à table, la parole du Seigneur fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, disant: Voici ce que dit le Seigneur. Parce que tu n'as pas été obéissant à la parole du Seigneur, et que tu n'as point gardé le commandement que t'a prescrit le Seigneur ton Dieu, et que tu es retourné, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dans lequel je t'ai ordonné de ne point manger de pain et de ne point boire d'eau, ton cadavre ne sera pas porté dans le sépulcre de tes pères. Lors donc qu'il eut mangé et bu, le vieux prophète sella son âne pour le prophète qui l'avait ramené. Et lorsque celui-ci s'en fut allé, un lion le rencontra et le tua, et son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne se tenait auprès de lui, et le lion se tenait auprès du cadavre. Et voilà que des hommes qui passaient virent son cadavre étendu sur la voie, et le lion qui se tenait auprès du cadavre. Et ils vinrent, et le publièrent dans la ville dans laquelle ce vieux prophète demeurait. Ce qu'ayant appris ce prophète qui l'avait détourné de sa voie, dit: C'est l'homme de Dieu qui a été désobéissant à la parole du Seigneur. et le Seigneur l'a livré au lion, qui l'a brisé et l'a tué, selon la parole que le Seigneur lui avait dite. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Lorsque ceux-ci l'eurent scellé, et que lui s'en fut allé, il trouva le cadavre étendu sur la voie, et l'âne et le lion qui se tenaient auprès du cadavre. Le lion ne mangea pas du cadavre, et ne fit pas de mal à l'âne. Le prophète prit donc le cadavre de l'homme de Dieu, le mit sur l'âne, et le ramena dans la ville du vieux prophète pour le pleurer. Et il mit son cadavre dans son sépulcre, et ils le pleurèrent, disant « Hélas, hélas, mon frère !» Et lorsqu'ils l'eurent pleuré, il dit à ses fils, « Lorsque je serai mort, ensevelissez-moi dans le sépulcre dans lequel l'homme de Dieu est enseveli. Mettez mes os auprès de ses os. Car certainement il arrivera ce qu'il a prédit avec les paroles du Seigneur, contre l'autel qui est à Bethel et contre tous les temples des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. » Après cela, Jéroboam ne revint point de ses voies très mauvaises. Mais au contraire, il fit des derniers du peuple des prêtres des hauts lieux. À quiconque le voulait, il remplissait sa main, et celui-ci devenait prêtre des hauts lieux. C'est pour ce motif que pécha la maison de Jéroboam et qu'elle fut détruite et exterminée de la surface de la terre. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire. Pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.